Léonard de Vinci, d'Auguste Barbier, enregistré pour LibriVox.org. Léonard de Vinci. Salut, grand Florentin, adoré du Lombard, au front majestueux, à la barbe luisante. Devant toi je m'incline, ô noble Léonard, plus que devant un prince à l'armure éclatante. Ah, que sont les grandeurs que la victoire enfante à côté des trésors de ton âme, ô vieillard! Que sont les vains lauriers de la guerre sanglante près des fleurons divins du savoir et de l'art! Honneur, honneur à toi! Ta sublime nature sut à la fantaisie unir la raison pure, contenir à la fois deux pouvoirs merveilleux. Semblable à l'astre d'or qui, dans la voûte immense, montant et s'abaissant, toujours plein de puissance, fertilise la terre en éclairant les cieux. Fin du poème, enregistré par Sonia. Cet enregistrement fait partie du domaine public.